Sous le néon, la pluie ruisselle. Chaque reflet devient étincelle. Les moteurs grondent, vos yeux s'enflamment. Riders Kill rallume vos flammes. Bitume sombre, pneus qui crissent. Chaque virage devient supplice. La vitesse frappe, vos cœurs s'élancent. Chaque drift nourrit la transe. Riders Kill règne sur vos veines. Chaque mot brise toutes les chaînes. Sous Tokyo, la nuit s'impose. Chaque seconde explose. Oh, shari da se yoru no machi. Tomaranai. Hiko no subi. Koe o agero. Kokoro kara. Katsu no wa ore tachi dake. Les néons glissent sur mes phares. Chaque regard perce le brouillard. La foule crie, vos voix résonnent. Chaque drift devient couronne. Riders Kill frappe, sa voix s'impose. Chaque mot brûle, chaque flow explose. Sous Tokyo, vos âmes s'embrassent. Chaque souffle s'écrase. Hashiri da se yoru no machi. Tomaranai. Hiko no subi. Koe o agero. Kokoro kara. Katsu no wa ore. Tachi dake. Épaules. Chaque seconde devient idole. Vos mains tremblent, vos yeux s'allument. Chaque drift perce la brume. Riders Kill parle, vos cœurs s'inclinent. Sa voix grave éclaire vos lignes. Sous la vitesse, la peur s'efface. Chaque mot marque sa trace. Chéri da se yoru no machi. Tomaranai. Hiko no subi. Koe o agero. Kokoro kara. Katsu no wa ore. Tachi. Sherry, that's it.